إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد دونك le cheikh il parle aujourd'hui, on va parler aujourd'hui du point où le cheikh dit ash-shirk al-asghar, c'est-à-dire le shirk mineur. Il dit ash-shirk al-asghar ينقص التوحيد ويخل به وهناك أشياء من الشرك الأصغر حذرنا منها الله ورسوله صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد لأنها تنقص التوحيد وربما تجر إلى الشرك الأكبر. Donc le cheikh il dit que le shirk mineur il fait diminuer le tawhid et il crée une imperfection dans le tawhid. Et il y a beaucoup de choses dont Allah et son messager nous ont avertis qui font partie du shirk asghar. Et la raison pour laquelle on a été averti de ces choses-là, c'est dans le but de protéger notre aqida et de protéger le tawhid. Et également parce que le shirk al-asghar, il diminue la pureté de notre tawhid. Et il risque également de nous amener vers qu'est-ce qui est un shirk majeur ou un shirk akbar. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'en parler et d'avertir à ce sujet-là et d'expliquer les catégories, les différentes sortes de choses qui rentrent dans le shirk al-asghar. Et le cheikh Al-Fawzan n'a pas donné une définition ou une explication plus détaillée de comment on peut déterminer ou distinguer un shirk majeur d'un shirk mineur, mais par contre j'ai trouvé dans un livre du cheikh Mohammed ibn Uthaymeen, c'est le Sharh de Kitab al-Tawhid, il donne une explication et il donne une règle. Il dit que min dawabit al-shirk al-asghar anna kull man ja'ala sababan lam yaj'alhu Allah sababan la shar'an wa la qadran fa huwa mushrikun shirkan asghar. Il dit parmi les règles ou les principes du shirk mineur, c'est que toute personne qui fait d'une chose un moyen qu'Allah n'a pas déterminé comme étant un moyen, ni dans la charia, ni dans les choses qu'il a déterminées dans la dunya, donc celui-là est un mushrik qui a commis un shirk mineur. Ou bien également, comme il dit, et comme le cheikh Al-Fawzan a dit également, c'est toute chose qui est un moyen vers le shirk akbar, ou toute chose qui peut amener quelqu'un à tomber dans un shirk majeur. Donc c'est un shirk mineur. Même s'il n'est pas en lui-même un shirk majeur, mais il peut nous amener à un shirk majeur, donc c'est un shirk mineur. Et pour expliquer la règle que le cheikh Ibn Uthaymeen a mentionnée, c'est comme pour vous donner l'exemple de quelqu'un qui prendrait un porte-bonheur, un talisman ou un gris-gris ou un porte-bonheur ou bien l'autre, comme on l'appelle aussi là, porte-bonheur ou bien le, en tout cas, des choses de ce genre, les talismans puis les choses que les gens portent pour se protéger contre le mauvais œil ou des choses de ce genre. Eh bien, si une personne porte cette chose-là et elle croit que cette chose-là a un pouvoir en elle-même de te protéger contre le mal. Donc ça, c'est un shirk majeur. Mais si il dit, si la personne qui le porte, elle croit que c'est pas un, elle a pas de pouvoir en lui-même, il n'a pas de pouvoir en lui-même ce talisman ou ce porte-bonheur ou la chose en particulier. Eh ben, dans ce cas-là, elle dit, c'est pas, elle croit que c'est pas un, elle a pas de pouvoir en lui-même, mais c'est un moyen. Elle croit que c'est un moyen que Allah a, est déterminé comme étant un moyen. Eh ben, on ne peut pas affirmer ça tant qu'on n'a pas une preuve de la charia, d'accord? Une preuve de la charia ou bien une preuve observable, scientifique ou médicale ou clinique qui peut nous montrer que cette chose-là a réellement un effet positif sur une personne. Donc s'il y a une preuve de la charia pour déterminer une chose pareille, dans ce cas-là on l'accepte. Et on dit, alhamdulillah, oui, c'est un moyen légal et c'est pas un shirk asra. Mais si, par exemple, il n'y a pas de preuve de la charia, mais qu'il y a une preuve dans la, des choses, dans les moyens d'observer ça scientifiquement pour déterminer que c'est réellement un remède, dans ce cas-là, oui, on dit la même chose également, que c'est pas un shirk mineur, c'est quelque chose qui est permis. Comme par exemple, quand tu vas voir le médecin, que le médecin te donne un remède ou un médicament ou des pilules ou peu importe ce qu'il te donne, c'est que cette chose-là qu'il te donne a été prouvée, ou on a observé qu'elle avait un effet positif dans le soulagement ou bien la guérison d'une maladie ou d'un malaise. Donc dans ce cas-là, ça devient permis justement parce que c'est un moyen que Allah a déterminé dans, comme étant une cause pour ou un moyen dans la guérison de cette chose-là, et c'est Allah lui-même qui l'a, c'est Allah qui a fait que cette chose-là soit une cause de guérison. Donc, de la même façon que Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé que, par exemple, le feu brûle, hein, et que ça, donc c'est comme un exemple. Tu crois en ça, c'est-à-dire tu sais que Allah a fait de cette chose-là un moyen légal parce que on est capable de l'observer, d'accord? C'est Allah qui a donné à cette création là ou à cette créature là la capacité de faire cet effet là sur une chose. Donc dans ce cas là c'est pas un shirk mineur, mais malgré tout, encore là une fois, il faut savoir que même si tu prends le remède, tu dois continuer à mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et croire que ce remède-là, il ne guérit pas uniquement par lui-même, mais c'est que c'est uniquement par la grâce d'Allah et par la permission d'Allah qu'il peut être effectif. D'accord? Et ne pas mettre entièrement sa confiance en ce remède. Ça, c'est un exemple. Donc ça c'est juste pour expliquer puis pour distinguer bien comme il faut, inshallah, entre les deux formes de shirk. Maintenant le cheikh il dit, قال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. N'établissez pas ou ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des associés ou des égaux. Pardon. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez. N'établissez pas des maîtres ou des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Et Ibn Abbas, le cheikh, il mentionne sa parole, il dit, قال Ibn Abbas رضي الله عنهما في الآية الانداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص ويقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم. Donc le cheikh il mentionne la parole d'Ibn Abbas qui dit que de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des andad ou des égaux ou de mettre avec Allah subhanahu wa ta'ala des seigneurs ou des égaux, ça signifie que tu dis par exemple par Allah et par ta vie. Tu dis à quelqu'un par Allah et par ta vie ou par et par ma vie. Ça c'est-à-dire tu jures par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un autre exemple également, c'est que tu dises par exemple, si ce n'était pas de ce chien, les voleurs seraient arrivés ou le seraient venus nous voler. Également, il donne un exemple, si ce n'était pas de ce canard, les voleurs seraient venus, hein, parce qu'ils mettaient parfois des canards dans la maison, puis quand il y a un voleur qui rentre la nuit ou quelque chose comme ça, eh bien, les canards commencent à crier, donc les gens sont alertés. Également, il donne un autre exemple qui dit, l'exemple d'une personne qui dirait, ce que Allah veut et toi. Ce que Allah veut et ce que tu veux. Donc, ça c'est un autre exemple. Et l'autre exemple, c'est la parole d'une personne qui dirait, si ce n'était pas d'Allah et de toi, donc, c'est comme si tu mets Allah subhanahu wa ta'ala et la personne à égalité. Donc ça c'est une forme de shirk. Et c'est ça que Ibn Abbas a expliqué dans cet exemple-là. Et il a dit que c'est plus caché qu'une fourmi. C'est plus caché qu'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Donc c'est pour ça que c'est très très, des fois c'est très difficile à distinguer et très difficile à réaliser qu'on est en train de commettre un acte de shirk. Et c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il disait Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, il dit que Omar il disait, oh Allah, nous cherchons protection, nous cherchons refuge en toi contre ce que nous associons avec toi alors que nous savons, et nous demandons pardon de ce que nous ne savons pas. D'accord? Donc c'est l'exemple de Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il disait. Et قال ابن عباس dit فقد قال فقد, le cheikh il dit par la suite, فقد بين ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الاشياء من الشرك والمراد به الشرك الاصغر والآية عامة تشمل الشرك الاكبر والشرك الاصغر. فابن عباس رضي الله عنهما نبه بهذه الاشياء بالادنى وهو الشرك الاصغر على الاعلى وهو الشرك الاكبر ولان هذه الالفاظ تجري على ألسنة الناس كثيرا إما جهلا أو تساهلا. Donc le cheikh il dit que Ibn Abbas a expliqué ces choses là et il a dit que ça faisait partie du shirk. Et qu'est-ce qu'il veut dire par le shirk, c'est-à-dire le shirk asghar, le shirk mineur. Et il dit que le verset implique le shirk akbar et asghar. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ça implique ceux qui donnent à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, que ce soit le shirk majeur ou mineur. Sauf que Ibn Abbas radiallahu anhu, il a donné l'exemple de la plus basse forme ou le plus bas niveau de shirk, comme le shirk mineur, et par un verset qui concernait le shirk majeur. Et les salafs faisaient souvent ça. Ils se basaient sur les versets qui parlent du shirk akbar pour interdire le shirk al-asrar. Hein? Le cheikh dit ولأن هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس أو على ألسنة كثير من الناس. Il dit parce que ces formes de termes là que beaucoup de gens les utilisent, on les entend tout le temps, soit par ignorance ou par une négligence. Les gens ils se laissent aller, alors ils prononcent des affaires comme ça. MashaAllah wa shi'at. Ils disent si Allah veut et toi. Hein? Donc ça c'est comme ça donne l'impression qu'on met Allah subhanahu wa ta'ala à égalité avec une autre créature. Donc ça c'est avec une créature, donc c'est une forme de shirk, puisque tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala un égal, hein. Donc toutes ces choses là sont interdites. Et là on va voir des exemples de ça plus détaillés. ان الشيخ ذو من هذه الاشياء الحلف بغير الله وهو الشرك كما روى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit que الحلف بغير الله, c'est-à-dire le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit هو الشرك وهو شرك, c'est-à-dire ça c'est une forme de shirk. كما روى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الشيخ الحديث كلا منسيني سي rapporté selon عمر بن الخطاب qui dit que رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit celui qui a juré par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a fait un acte kufr ou un shirk. Il a faqad kafara ou ashrak. Ça c'est rapporté par At-Tirmidhi et ça a été déclaré hasan et Al-Hakim il l'a déclaré sahih, yani authentique. Wa qawluhu faqad kafara ou ashrak يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو دون الأكبر دون الكفر الأكبر كما أنه من الشرك الأصغر. Donc le cheikh il dit que lorsque dans le hadith on entend فقد كفر أو أشرك, c'est là une des possibilités pour comprendre pourquoi il a mentionné les deux, c'est que c'est possible que ce soit un doute du narrateur. Et également, c'est possible que le « au », c'est-à-dire « ou », l'article « ou », c'est possible que ça signifie en réalité le « wow ». Parce que des fois, ça arrive qu'on mentionne « au » pour vouloir dire « au », pour vouloir dire « et » au lieu de « ou ». Et dans ce cas-là, ce serait la signification alors de dire « il a mécru hein, »« faqad kafara ou ashrak » ou bien « il a » commis un acte de shirk. Mais là, dans ce cas-là, ce serait avec le wow, ce serait il a mécru et fait le shirk, les deux ensemble. وَيَكُونُ الْكُفْرُ الَّذِي يعني, et le kufr dont on parle dans ce hadith, ce serait le kufr qui est moins que le kufr majeur, c'est-à-dire le kufr mineur, et le shirk dont on parle, c'est le shirk mineur également. Après il dit وقد كثر من الناس اليوم من يحلف بغير الله كمن يحلف بالأمانة أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول وحياتي وحياتك يا فلان وما أشبه هذه الألفاظ. Il dit et il y a beaucoup de monde de nos jours qui jure par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui jure par la yani qui jure par yani l'amana, hein, il jure par le fait d'être par sa fiabilité ou son honnêteté, ou bien qui jure par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qui jure par son cheikh, ou bien qui jure par sa mère ou son père ou par des choses de ce genre. Donc ça c'est haram et ça rentre dans le shirk comme on a expliqué. Ou celui qui dit par exemple par ma vie ou par ta vie, par ma vie et par ta vie, hein, et des choses de ce genre. Le cheikh il dit après وَقَدْ سَمِعْنَا مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الْحَلْفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتِبَارُهُ كُفْرًا أَوْ شِرْكًا لِأَنَّ الْحَلْفَ بِالشَّيْءِ تَعْظِيمٌ لَهُ وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يُعَظَّمْ وَيُحْلَفُ بِهِ هُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ عَزَّ وَجَلَّ والحلف بغيره شرك وجريمة عظمى. Le cheikh il dit que on a entendu le hadith qu'on vient juste de mentionner à propos de l'interdiction de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala et que il est considéré comme étant un acte de kufr ou de shirk. Donc la raison de ça c'est parce que le fait de jurer par une chose c'est qu'on respecte cette chose et qu'on vénère cette chose. Donc, celui qui est obligatoire qu'on le vénère et qu'on jure par lui, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et de jurer par autre que lui est une forme de shirk et un crime énorme. قال ابن عباس رضي الله عنه لأن أحلف بالله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. Subhanallah, ça, ça nous fait voir la gravité de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans cette parole de Ibn Abbas lorsqu'il dit je préfère jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant que de jurer par autre que Allah en disant la vérité. Donc ça, ça nous montre que c'est très grave, yani, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que d'après les paroles ici de Ibn Mas'ud radiallahu anhu, ce serait, yani, il préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala en disant la vérité. Après il dit wa min al-ma'lum anna al-half billah kadiban kabira min al-kaba'ir walakin ash-shirk huwa al-half wa huwa al-half bi ghayri Allah أكبر من الكبائر وإن كان شركا أصغر. Donc le cheikh il dit c'est bien connu que le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala en mentant ou en disant contraire à la vérité, en disant ce qui est contraire à la vérité, c'est un des grands péchés parmi les grands péchés, kabira, hein. Par contre le shirk, et dans ce cas-ci c'est le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est plus grand que les grands péchés, parce que c'est une forme de shirk. Même si c'est un shirk asrar, c'est quand même plus grand que tous les autres kaba'ir que quelqu'un peut faire. فيجب على المسلم أن يتنبه لهذا ولا تأخذه العوائد الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le cheikh il dit que c'est obligatoire aux musulmans de faire attention à ça. Et il ne doit pas prendre des habitudes de l'ignorance, de la période de l'ignorance. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, la tahlifu bi'aba'ikum. C'est-à-dire, ne jurez pas par vos pères. إلى غير ذلك من النصوص التي تأمرنا إذا أردنا أن نحلف أن نقتصر على الحلف بالله وحده ولا نحلف بغيره. Donc le cheikh il dit que il y a beaucoup d'autres textes également, des textes de la révélation du Coran et de la Sunna qui nous expliquent, qui nous ordonnent que si on veut jurer, qu'on se limite à jurer par Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et de ne jurer par rien d'autre que lui. ويجب على من حلف له بالله أن يرضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le chef il dit que celui à qui on a juré par Allah, hein, comme si par exemple quelqu'un a juré devant toi par Allah de quelque chose, alors tu dois le croire, c'est obligatoire pour toi de le croire. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui jure par Allah, qu'il dise la vérité. Mais celui qui a juré par Allah, alors celui devant qui on a juré par Allah doit être satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, alors il n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, falaysa min Allah. Donc si tu demandes à quelqu'un de jurer par Allah et que la personne jure par Allah subhanahu wa ta'ala de quelque chose, alors tu dois être satisfait. Si tu n'es pas satisfait, tu n'as rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième exemple que le cheikh donne, c'est un exemple de shirk dans les paroles qu'on peut dire. Le cheikh il dit الشرك في الألفاظ. ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ مثل قولي مثل قول ما شاء الله وشئت. Le cheikh il dit que parmi le shirk mineur, c'est le fait de dire des formes de shirk dans les paroles, comme par exemple quand tu parles, tu dis ma sha Allahu wa shi'ta, c'est-à-dire comme ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et ce que tu veux. Donc le cheikh il mentionne pour montrer l'interdiction de ça un hadith. Il dit qad rawa al-imam Ahmad wa an-Nasa'i 'an Qutaylah أو قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. Donc ça c'est un exemple qui est rapporté dans, par l'imam Ahmad et An-Nasa'i selon Qatila ou Qutayla, un des sahaba, qui dit qu'un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit vous faites le shirk, vous dites ce que Allah veut et ce que tu veux, hein, et vous dites par la Kaaba, hein. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné par la suite, lorsqu'il voulait jurer, de dire par le Seigneur de la Kaaba et non pas par la Kaaba, et de dire Masha Allahu thumma shi'ta, c'est-à-dire comme Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et puis ensuite ce que toi tu as voulu. Donc c'est pour montrer que il y a un degré, hein, c'est-à-dire c'est pas Allah et tu mets pas la personne au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa volonté qui passe avant tout, hein, puis ensuite ce que la personne a voulu. D'accord? Après il mentionne un autre exemple, hein, il dit rawa an-nasa'i wa rawa an-nasa'i 'an ibn 'Abbas radiyallahu anhuma anna rajulan qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allahu wa shi'ta fa qala aj'altani lillahi niddan قل ما شاء الله وحده. Donc le cheikh il a donné un exemple, encore un autre hadith qui disait en fait celui-là est rapporté par l'imam An-Nasa'i selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit ce que Allah veut et ce que tu veux, alors ou ce que Allah a voulu et ce que tu as voulu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit aj'altani lillahi niddan, est-ce que tu fais un égal, est-ce que tu m'as mis comme un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, dis uniquement ce que Allah a voulu lui seul, ma sha Allahu wahda, dis uniquement ce que Allah lui seul a voulu. Donc ça le cheikh il dit par la suite fadalla al-hadithan wa ma ja'a bi ma'nahuma على منع قول ما شاء الله وشئت وما شابهه من الألفاظ مثل لولا الله وأنت وما لي إلا الله وأنت، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المتعاطفين وهذا شرك، فالواجب أن يعطف بثم فيقال ما شاء الله ثم شئت أو ثم شاء فلان ولا الله ثم أنت. Donc le cheikh il explique, il dit donc les deux hadiths qu'on a mentionnés et ce qui vient dans cette signification là, dans ce sens là, eh bien ça prouve l'interdiction de dire des choses comme ce que Allah a voulu et ce que toi tu as voulu, ou de dire des choses semblables. Comme par exemple, si ce n'était pas d'Allah et de toi, ou je n'ai personne excepté Allah et toi, parce que le fait de, d'utiliser wow ou de dire en français et, et, hein, et, ça implique une certaine égalisation ou égalité entre les deux choses qu'on, entre lesquelles on met cette cette conjonction, yani, ou cet article, yani, et. Donc, c'est pour ça que ça devient une forme de shirk quand ça a la signification d'une égalité entre les deux. Parce qu'il n'y a personne qui est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'obligation, hein, plutôt de dire et, on doit dire puis ou ensuite. Pour qu'il y ait un décalage entre les deux et qu'on sache qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux. Comme par exemple, le cheikh il dit, tu dis ce que Allah a voulu et ensuite toi, hein, et ensuite ce que tu as voulu. Ou bien tu dis puis ce que, puis ensuite ce que un tel a voulu. Ou bien si ce n'était d'Allah et ensuite de toi, ou puis de toi, hein. Ou bien thumma fulan, ou bien un tel, hein. Ma li illallah thumma anta, je n'ai personne excepté Allah et ensuite toi. لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتعقيب. Quand tu utilises le terme en arabe thumma au lieu de waw, ça implique, contrairement au waw, ça implique un ordre, hein, et le fait de suivre. Donc ça veut dire que c'est pas à égalité. وأن مشيئة العبد تأتي بعد مشيئة الله تعالى. Donc ça montre que la volonté du serviteur vient après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala musawiyatan laha, hein, c'est pas à égalité avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Et vous ne pouvez vouloir excepté si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Donc ça montre qu'il n'y a pas d'égalité dans la volonté, entre la volonté des serviteurs ou des créatures et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَشِيئَةُ الْعَبْدِ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ فَالْعَبْدِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَشِيئَةٌ خِلَافًا لِلْجَبْرِيَّةِ فَمَشِيئَتُهُ تَابِعَةٌ لِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ أَنْ يَشَاءَ شَيْئًا إلا إذا كان الله قد شاءه خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى الله عما يقولون. Donc le cheikh il dit, donc la volonté du serviteur suit, hein, vient après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la volonté du serviteur, même si le serviteur a réellement une volonté, on affirme que l'être humain a une volonté, contrairement aux Jabriyah, hein, la secte des Jabriyah qui disent que l'être humain est sans aucune volonté. Donc nous on affirme que le serviteur a une volonté. Par contre, on dit que la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et vient après la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit en même temps, comme le cheikh dit, que l'être humain n'est pas capable de vouloir ou ne peut pas vouloir quelque chose excepté si Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a voulu, contrairement au qadariyah qui affirme, yani, que l'être humain peut contredire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est une autre égarement, c'est les deux extrêmes parmi les gens de bid'a au sujet de Al-Qadar, puis au sujet de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont exagéré et qui ont nié la volonté de l'être humain, puis ceux qui ont exagéré et qui ont nié la volonté d'Allah ou qui l'ont limité la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est les deux extrêmes et nous on est entre les deux. On affirme que l'être humain a une volonté, mais on dit que sa volonté est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la volonté d'Allah passe avant et que la volonté de l'être humain suit. Donc c'est ça. Et après le cheikh il donne comme un autre exemple, il dit الشرك في النيات والمقاصد, hein, les exemples de shirk dans les intentions et dans les est dans les, la volonté et dans les intentions. Le cheikh il dit ومن الشرك الأصغر الشرك في النيات والمقاصد وهو يسمى بالشرك الخفي كالرياء وهو نوعان. Le cheikh il dit parmi les formes de shirk mineur, il y a le shirk dans les intentions. Et ça c'est un shirk qu'on appelle shirk khafi. C'est un shirk qui est caché comme arriya, c'est-à-dire arriya c'est quoi? C'est de faire un œuvre ou un acte dans le but de se faire voir et de se faire glorifier par les êtres humains à cause de ces actes d'adoration là. Donc le shirk il dit que c'est divisé en deux catégories. Ok, puis là on va regarder et on va essayer de voir c'est quoi ces deux catégories là. La première c'est arriya, ok. وهو مشتق من الرؤية والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. Cheikh il dit ça sort de, ou c'est extrait du mot ru'ya, la vision ou la vue, et la signification, ou qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est-à-dire de montrer nos adorations aux gens, dans le but que les gens les voient, pour qu'on soit glorifié par les gens, à cause de nos adorations. Le cheikh il dit, وَالْفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَا وَبَيْنَ السُّمْعَةَ أَنَّ الرُّؤْيَا لما يرى من العمل كالصلاة والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر. Donc le cheikh il donne une petite faïda, yani un point bénéfique pour être capable de comprendre quelque chose d'intéressant ici, c'est que il y a al-riya qui est pour le fait de se faire voir. Puis il y a également un autre mot en arabe qui est as-sum'a, et ça a le même sens, ça a le même sens que le mot ru'ya, excepté que c'est pour qu'est-ce qui est entendu, contrairement à qu'est-ce qui est vu. Donc le cheikh il dit que as-sum'a, ar-ru'ya c'est quand tu fais, par exemple tu fais une prière et tu la fais pour que les gens te voient, tandis que as-sum'a c'est que tu, par exemple, tu récites le Coran ou tu donnes une exhortation ou un rappel et tu le fais dans le but que les gens entendent ce que tu dis et pour qu'ils te glorifient à cause de tes paroles. Donc ça c'est une autre forme de chose qui fait partie du shirk également. Et le cheikh dit وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ تَحْتَ الْإِنسَانِ عَنْ أَعْمَالِهِ وَ إخباره بها. Et donc ça rentre dans la même signification que الرياء. يدخل في ذلك تحدث الإنسان عن أعماله. Le fait que tu parles aux gens et que tu les informes de qu'est-ce que tu fais, de bien. Par exemple, tu fais pas un acte, t'as pas fait l'acte dans le temps que tu l'as fait, tu l'as pas fait pour que les gens te voient, sauf que après l'avoir fait, tu t'en vas voir les gens et tu dis j'ai fait telle ou telle adoration, j'ai fait tel jeûne, j'ai fait telle chose, Donc ça c'est un exemple de choses qui rentrent également dans le fait de faire une forme de riya. Après le cheikh il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقد قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله سبحانه وتعالى dit je ne suis qu'un être humain comme vous. Dit au Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous. On m'a révélé que votre Dieu, votre Seigneur, celui que vous devez adorer, est un Dieu unique. Celui que vous devez adorer, c'est un Dieu unique, vous devez adorer lui seul. Et celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, alors qu'il fasse des bonnes œuvres, des œuvres salih, et qu'il n'associe personne dans, dans son adoration de son Seigneur. Hein? Il doit associer personne, c'est-à-dire il doit offrir aucune, aucune forme d'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne doit pas également faire comme qu'est-ce qu'on a expliqué maintenant, الرياء. Le cheikh dit, وقال الإمام ابن القيم في معنى الآية أي كما أن الله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة لله له وحده لا شريك له فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. Donc le cheikh il explique, ça c'est la fin de la citation. Le cheikh Ibn al-Qayyim il a dit dans cette citation là que la signification du verset c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est unique, hein, et qu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui qui doit être adoré, donc de la même façon yani, c'est obligatoire que notre adoration soit pour lui uniquement. Et yani, il n'a pas d'associé. Donc, on ne doit pas lui donner aucun partenaire et associé dans l'adoration. Et de la même façon, yani, qu'il doit être lui seul adoré. Donc, on doit lui vouer à lui seul un culte exclusif et n'adorer personne en dehors de lui ou avec lui. Et dans nos actions, eh ben, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait de riya. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hein, qu'il fasse une bonne œuvre. Et une œuvre qui est bonne, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, عَمَلًا صَالِحًا, صالح, c'est-à-dire que cette action-là doit être pure, hein, il doit être purifié de toute forme de riya, ou toute forme de shirk. Et dans l'intention également, l'intention doit être uniquement pour Allah, et il faut qu'elle soit faite en accord avec la sunna. Donc ça c'est les deux conditions pour que les œuvres d'une personne soient acceptées, comme on l'a expliqué déjà dans plusieurs durus. Après le cheikh il dit, وَقَدْ تَوَعَدَ اللَّهُ الْمُرَائِينَ بِالْوَيْلِ فَقَالَ تَعَالَى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ceux qui faisaient des actions dans le but de se faire voir par al-wayl. Et il y a deux explications pour al-wayl. C'est, il y en a qui disent que parmi les ulama que c'est une rivière de feu dans l'enfer ou quelque chose de ce genre, et il y en a d'autres qui disent que al-wayl c'est une forme de malédiction ou bien des choses de ce genre, comme quand on dit par exemple à quelqu'un malheur, hein? Donc quand dans la traduction en français souvent c'est traduit de cette façon là, malheur à ceux qui prient et qui sont insouciants dans leur prière et qui prient pour se faire voir et qui refusent de prêter les choses utiles de la vie, hein, avec à leurs voisins ou des choses de ce genre. Donc ça c'est l'explication de ceux qui font, yani, la menace pour ceux qui font des œuvres dans le but de se faire voir. Allah a donné l'exemple dans ce verset là dans Sourate Al-Ma'un de ceux qui prient dans le but de se faire voir par ostentation, hein. Après il a donné un autre exemple également, wa akhbara وأخبر تعالى أن الرياء من صفات المنافقين فقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. الشيخ il a expliqué ici que الرياء, le fait de prier pour se faire voir, c'est une des attributs ou caractéristiques des hypocrites. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, les hypocrites, al-munafiqin, ceux qui ne croient pas réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, ils cherchent à tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah en réalité qui les trompe. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, il se lève paresseusement dans le but de se faire voir par les gens. D'accord ? Donc ça c'est les caractéristiques des hypocrites. Et après le cheikh il mentionne un autre exemple il dit wa an Abi Hurayra marfu'an qala Allah Ta'ala ana aghna ash-shuraka 'an ash-shirk wa man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirkah. Rawahu Muslim. Le cheikh il dit que Abu Hurayra a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit je n'ai aucun besoin de partenaire. Et celui qui fait une action et qui associe dans cette action là quelqu'un d'autre que moi, donc je le laisserai avec ce avec quoi il m'a associé. Je le laisserai avec ce qu'il m'a associé. Donc ça c'est rapporté selon l'imam Muslim. Et le cheikh il dit ay man qasada bi amalihi ghayri min al makhluqin taraktuhu wa shirkahu wa fi riwaya l'Ibn Majah fa ana minhu bari wa huwa lillazi ashrak. Donc ça veut dire que le cheikh il dit ça signifie que celui qui a fait une action pour autre que moi ou qui a eu l'intention de plaire à autre que moi dans l'action qu'il a fait parmi les créatures, alors je l'abandonne avec ce qu'il a, c'est-à-dire je le laisse avec ce avec quoi il m'a associé. Et il dit que dans une autre narration rapportée selon Ibn Majah, ça dit ana minhu bari, je m'en désavoue, c'est-à-dire je me désavoue de ce qu'il a fait et cette action-là sera pour celui avec qui il m'a associé. Après il dit وقال ابن رجب رحمه الله اعلم ان العمل لغير الله اقسام. Ibn Rajab al-Hanbali il a dit رحمه الله, sache que le fait d'agir pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est divisé en différentes catégories. فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. Donc le cheikh il dit, mais c'est ça, il dit اعلم, sache que les actions que des gens font pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala sont différentes catégories. Ici il mentionne deux catégories. Il dit que la première parfois c'est une peur, un ria pur, comme l'état des hypocrites, al-munafiqin, ceux qui n'ont pas de foi dans le cœur, mais qui font semblant d'être musulmans. Il mentionne l'exemple de ces gens-là par le verset qu'on a mentionné tout à l'heure. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent paresseusement dans le but de se faire voir par les gens. Il dit وَهَذَا الرِّيَاءَ الْمَحْضُ لَا يَكَادُ يَصْدُرُ مِنْ مُؤْمِنٍ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَقَدْ يَصْدُرُ فِي الصَّدَقَةِ أَوْ الْحَجِّ الْوَاجِبِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ أو التي يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. Donc le cheikh dit que le fait de faire le ria pur, c'est-à-dire ton action est uniquement dans le but de te faire voir par les autres gens, ça peut presque pas venir d'une personne qui est un croyant dans l'obligation de la prière ou du jeûne. Et il dit que c'est possible que ça a, c'est-à-dire dans l'obligation de la prière et du jeûne obligatoire, c'est presque impossible que ça soit le cas, que ce soit un ria pur pour ces choses-là, dans ce qui est obligatoire pour quelqu'un qui est un croyant. Mais par contre, c'est possible que ça se produise pour des choses qui ont rapport, comme par exemple As-Sadaqa, ou le Hajj, qui est obligatoire, ou autre, parmi les actions qui sont apparentes, et qui ont un bienfait qui va à d'autres personnes. parce que le cheikh il dit que dans ces choses-là, parfois, c'est dur d'avoir une ikhlas, d'avoir une sincérité. وَهَذَا الْعَمَلْ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا شَكَّ لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ فِي لَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ أَنَّهُ حَابِطٌ. Celui qui fait une action, yani dans le but de se faire voir, eh bien, il n'y a pas de doute que cette action-là, elle sera nulle, elle n'aura aucune récompense. Et que la personne qui le fait, il mérite la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment. Et donc, comme l'exemple qu'il a mentionné, le fait de faire une sadaqa, eh bien, il y a des gens comme ça, oui, ils donnent une sadaqa dans le but de se faire voir, ou bien ils font le hajj, hein, dans le but que quand il revient, on dise « Ah, lui, c'est un hajj », hein, ou d'autres choses de ce genre, yani. Donc ça, c'est quelque chose de très dangereux, il faut faire attention à ça. Après, le cheikh, il dit « وَتَارَةً يَكُونُ الْعَمَلُ لِلَّهِ وَيُشَارِكُهُ الرِّيَاءِ فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه أما إن كان العمل لله وطرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف. Donc le cheikh il dit que le, yani, si par exemple, ça c'est la deuxième catégorie, c'est que si la personne il fait une action pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a un peu de riya mélangé avec, donc là c'est la deuxième catégorie. La première catégorie c'était le riya qui était pur, uniquement fait dans le but de se faire voir, donc ça on a vu que c'est quelque chose qui annule l'action, hein, et que en général ça vient uniquement des munafiqin. Tandis que maintenant il parle d'une autre catégorie qui est le fait de faire une action pour Allah et de mélanger ça avec du riya, c'est-à-dire avec un petit peu de riya, c'est-à-dire tu le fais et tu en même temps tu veux te faire voir, tu le fais pour Allah mais en même temps tu veux te faire voir. Et le cheikh il dit fa in sharakahu min aslihi, si à la base il y a eu cette association de riya dedans, donc il dit que les textes authentiques prouvent que cette action-là est nulle. Si c'était si depuis la base de l'action il y avait du riya. Par contre, si la personne a fait l'action uniquement pour Allah, puis pendant qu'il était en train de la faire, il y a une intention de riya qui est rentrée et qu'il a essayé de la repousser. Donc ça, selon dans ce cas-là, s'il a essayé de la repousser et que c'est venu après qu'il l'ait commencé, donc ça ne lui nuit pas. Et ça, il n'y a pas de désaccord à ce sujet-là. Les savants sont d'accord à ce sujet pour dire que ça ne lui nuit pas tant qu'il l'a repoussé. Par contre, le cheikh dit wa in istarsala ma'ahu fa hal yahbitu 'amaluhu aw la fa yujaza 'ala asli niyyatihi. Le cheikh dit par contre, s'il a continué avec, c'est-à-dire il a commencé son action, il n'y avait pas de riya, sauf que, puis pendant qu'il le faisait, il y a un riya qui est rentré, une intention de riya qui est rentrée, et qu'il l'a repoussé, il y a eu une intention de riya qui est entrée, et il ne l'a pas repoussé, il a continué avec, donc, est-ce que son action sera rejetée, ou bien est-ce qu'il sera récompensé pour la base de son intention, à la base qui était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit wa fi dhalika ikhtilafun bayn al-ulama min as-salaf qad hakahu al-imam Ahmad wa ibn Jarir wa rajjaha anna 'amalahu la yubtal bi dhalik. Le cheikh il dit qu'il y a à ce sujet-là une divergence ou un désaccord parmi les ulama des salaf. Et ça a été rapporté, mentionné par l'imam Ahmad et Ibn Jarir al-Tabari, et tous les deux ils ont pris la position que l'action de cette personne-là n'est pas annulée complètement à cause de ça. Wa annahu yujaza bi niyyatihi al-ula, et qu'il sera récompensé pour sa première intention. Wa huwa marwiyun 'an al-Hasan wa ghayrihi intaha kalam. Et ça, c'est rapporté selon Al-Hassan et d'autres. Après, le cheikh il dit فَتَحَفَّظُوا عَلَىٰ أَعْمَالِكُمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِمَّا تَتَحَفَّظُونَ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَأَعْظَمُ مِمَّا تَتَحَفَّظُونَ عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مِنَ السُّرَّاقِ فَإِنَّ خَطَرَ الشِّرْكِ عَظِيمٌ. Donc ça c'est un bon conseil du cheikh qui nous dit prenez garde, hein, faites attention à vos actions pour pas que le shirk les annule, plus que vous faites attention à vous-même contre vos ennemis, hein, et plus que vous faites attention à votre bien pour yani du fait que vous craignez qu'il soit, que vos biens se fassent voler, hein, et vous prenez garde à ça. Donc faites attention à vos actions plus que à ça, c'est-à-dire faites attention parce que le danger du shirk est très grand. Et le cheikh il dit نسأل الله لنا ولكم السلام والإخلاص في القول والعمل. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous d'être sauvés et d'avoir la sincérité dans les paroles et dans les actions. On a expliqué maintenant Ar-Riya, que c'était la première catégorie parmi les formes de shirk asrar dans les intentions. Hein? Et maintenant il y a une deuxième, et ça a rapport avec également le fait d'avoir la volonté, hein? La volonté pour qui on veut faire nos actions, ou pourquoi on veut qu'on fait nos actions. Et ça c'est la deuxième catégorie. Le cheikh dit iradatul insan bi'amalihi ad-dunya, le fait de vouloir la dunya par nos actions. Le cheikh dit iradatul insan bi'amalihi ad-dunya naw'un min anwa' ash-shirk في النية والقصد، وقد حذر الله منه في كتابه، وحذر منه رسوله في سنته، وهو أن يريد الإنسان بالعمل الذي يبتغى به وجه الله مطمعا من مطامع الدنيا، وهذا الشرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. Le cheikh il dit le fait qu'un être humain ou un homme veuille faire une œuvre dans la dunya, hein, c'est une forme parmi les formes de shirk dans les intentions. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous en a averti dans son livre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti dans sa sunnah. Et c'est le fait qu'un être humain veuille en faisant des actions. Yani, par exemple, il fait une action par laquelle on veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme des œuvres, des œuvres d'adoration. Eh bien, lui, une personne, il les fait avec, en voulant avoir quelque chose parmi les biens de la dunya. Hein, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, il fait des actes d'adoration dans le but d'avoir quelque chose de la dunya. Il dit هذا شرك, ça c'est une forme de shirk qui annule ou qui vient annuler la perfection du tawhid et qui détruit la valeur de nos actions. Le cheikh il mentionne ensuite un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit قال الله تعالى ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. شيخ الزي il mentionne le verset qui dit celui qui veut la vie de la dunya, la vie d'ici-bas, ainsi que ses parures, alors on va lui remettre, hein, les récompenses pour les actions qu'il a faites dans cette dunya, et on ne lui enlèvera rien de qu'est-ce qu'il a œuvré pour cette dunya. Et par contre, ce sont eux, Allah il dit, ce sont ceux-là qui, dans l'au-delà, n'auront rien d'autre que le feu. Et tout ce qu'ils auront accompli dans la dunya sera annulé, sera nul, n'aura aucune valeur, et tout ce qu'ils auront fait aura été faux, aura été yani, sans aucune valeur. Et le cheikh il dit: وَمَعْنَ الْآيَتَيْنَ الْكَرِيمَتَيْنَ, la signification de ces deux versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, le cheikh il dit: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُخْبِرُ أَنَّ مَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الْحُصُولَ عَلَى مَطَامِعِ الدُّنْيَا فَقَطْ فَإِنَّ اللَّهَ يُوَفِّرْ لَهُ ثَوَابَ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا بِالصِّحَّةِ وَالسُّرُورِ وَبِالْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَهَذِهِ مُقَيَّدٌ بِالْمَشِيئَةِ كما في قوله تعالى في الآية الأخرى: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وهؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار لأنهم لم يعملوا ما يخلصهم منها وكان عملهم في الآخرة باطلا لا ثواب له لأنهم لم يريدوها. Donc le cheikh il dit que la signification de ces deux versets-là, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que celui qui fait une œuvre dans le but d'avoir quelque chose parmi les biens de la dunya, uniquement, donc, Allah subhanahu wa ta'ala va lui remettre la valeur et la récompense de ses actions uniquement dans cette dunya, par la santé, le bonheur, hein, les biens, la famille, les enfants, hein, et ça c'est limité par sa volonté, c'est-à-dire s'il le veut. Ok, donc c'est pour ça que les koufars, quand ils font des œuvres, hein, ils prient ou ils jeûnent ou ils font des choses comme ça, ils sont récompensés uniquement dans la dunya. Donc le cheikh il dit, voilà, cela, ça c'est comme dans un autre verset qui dit, on fait qawlihi ta'ala, dans un autre verset il dit, ajjalna lahu fiha, on leur précipite yani, dans cette dunya une récompense pour celui qu'on veut. On leur donne ce qu'on veut à qui on a voulu. Donc c'est tout ça c'est selon sa volonté et selon sa sa décision. Et le cheikh il dit par la suite que ceux-là ils n'auront rien dans l'au-delà excepté le feu, parce que ils n'ont pas fait les œuvres uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils les ont fait uniquement pour la dunya. Donc étant donné qu'ils n'ont pas souhaité la récompense de l'au-delà, ils n'auront pas de récompense dans l'au-delà. Et ça, en même temps, il faut comprendre aussi que parmi les gens de Bid'a, il y en a des soufis, par exemple, qui croient que si tu fais un acte d'adoration et que tu souhaites le paradis, et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis et que tu lui demandes la protection contre l'enfer, il croit que ça, ça vient annuler ta sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu n'as pas fait l'acte d'adoration uniquement pour lui, mais pour sa récompense. Et ça, c'est une fausse croyance de la part des soufis. Okay? Et c'est contradictoire à l'exemple des prophètes, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par crainte et par amour. Hein, et par espoir de sa récompense. Donc, ça c'est un exemple d'égarement de la part de ces gens-là. Et en fait, c'est quand tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pour sa récompense, pour son paradis, et pour être protégé de son enfer, que tu as réellement adoré Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as été sincère envers lui. Le cheikh il dit, وَقَالَ قَتَادَ يقول تعالى: من كانت الدنيا همه وطلبه ونيته جزاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، أما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. Donc le cheikh il explique, il mentionne les paroles d'un des salaf, Qatada, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset que celui qui a fait des choses dans cette dunya, hein, cette dunya c'était son seul intérêt et son seul but et objectif et sa seule intention, donc celui-là Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser pour ses bonnes œuvres dans cette dunya, et par contre dans l'au-delà il n'aura plus de bonnes œuvres, parce qu'on lui aura tout donné déjà ses récompenses dans la dunya. Donc, dans l'au-delà, il n'aura plus rien, comme pour aucune action pour lesquelles on pourra le récompenser. En ce qui concerne le croyant, le mu'min, alors il sera récompensé pour ses actions dans la dunya et également il sera récompensé dans l'akhirah. Donc pour le croyant, il sera récompensé dans cette vie et dans l'autre. Hein? Ça c'est important à comprendre. Puis c'est comme par exemple quelqu'un parmi les, si un musulman par exemple ferait un acte d'adoration, comme par exemple le fait de prier ou de jeûner, puis il le ferait uniquement par exemple pour avoir un poste important ou pour être pour avoir de l'argent ou pour pouvoir avoir une bonne réputation, ça ce serait quelque chose qui rentrerait dans ces choses-là, que la personne fasse des bonnes œuvres uniquement pour ces choses-là. Après, le cheikh il mentionne les paroles de Muhammad Abdul Wahhab, cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui a divisé ces choses-là en quatre catégories. Hein. Il a divisé ces choses-là en quatre catégories et on va le lire pour voir qu'est-ce que ça signifie, inshallah. Donc le cheikh il dit قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر عن السلف في معنى الآية أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam qui dit que les salafs ont mentionné au sujet de la définition ou de la signification de ce verset là différentes catégories de choses que les gens d'aujourd'hui font et qu'ils ne savent pas, dont ils ne savent pas la signification. Donc le cheikh il mentionne la première catégorie, il dit فمن الناس من فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك الظلم وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته وحفظ ماله. نعم بحفظ ماله وأهله وعياله وإدامة النعمة عليها ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار وهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة نصيب وهذا النوع ذكره ابن عباس. Donc le cheikh il dit la première exemple c'est une personne qui fait des bonnes œuvres et comme beaucoup de gens qui font par exemple des bonnes œuvres dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ils le font pour Allah, comme par exemple ils donnent une sadaqa au monde, ou bien il fait une prière, ou bien il garde les liens de parenté, il est bon envers les gens et il ne fait pas d'injustice. Parmi toutes ces choses-là que les gens font, parmi qu'est-ce que les gens font ou qu'ils laissent pour Allah, purement et simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, il ne demande pas, il ne veut pas pour ça sa récompense dans l'au-delà. Il veut uniquement avoir sa récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Par exemple, en préservant ses biens, ou en les augmentant, ou en préservant sa famille, ses enfants, sa santé, et tous les bienfaits qu'il a dans cette vie. Et il n'a pas d'intérêt à demander, il n'a pas d'intention, il ne cherche pas à essayer de demander le paradis et de s'éloigner de l'enfer. Donc celui-là, le cheikh il dit, il aura sa récompense pour ses œuvres dans cette dunya. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune portion de récompense. Il dit que ça, c'est la sorte ou la catégorie qui a été mentionnée par Ibn Abbas précédemment. D'accord. Ensuite, le cheikh il dit comme deuxième catégorie, هو أكبر من الأول وأخوف وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها أنزلت فيه. وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. Donc ça c'est la deuxième catégorie qui est mentionnée par par Mujahid. Le cheikh il dit que ça c'est plus grand et plus épeurant que le premier, la première catégorie. C'est, il dit que ça c'est mentionné par, par Mujahid, hein, au sujet de la surah ou du verset qu'on a mentionné. Et il dit que c'est l'exemple de la personne qui fait des bonnes œuvres et son intention c'est de se faire voir par les gens et non de demander la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. D'accord? La troisième catégorie. أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم فقد ذكر هذا النوع أيضا فقد ذكر هذا النوع أيضا في تفسير الآية كما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكسبهم أو رئاستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. Donc le cheikh il mentionne une troisième exemple. Il dit que c'est la personne qui fait des bonnes œuvres et qui veut et qui souhaite par ces œuvres là, ces bonnes œuvres là, de l'argent, des biens dans cette dunya. Comme par exemple la personne qui fait le hajj pour de l'argent. Des fois, une personne qui n'a pas les moyens de... comme par exemple une personne qui n'est pas capable de faire le hajj pour une raison quelconque, parce qu'elle a, elle n'a pas les, la capacité physique de voyager par exemple, ou parce qu'elle est malade, mais elle a l'argent, elle envoie quelqu'un pour faire le hajj à sa place pour une somme, en échange d'une somme d'argent, d'accord? Donc ça c'est un exemple d'une personne qui ferait le hajj uniquement dans cette intention là pour faire de l'argent. Deuxième exemple, la personne qui fait le hijra pour la dunya, hein, il s'en va émigrer vers un autre endroit pour avoir quelque chose de la dunya, soit un travail ou de l'argent, ou bien pour une femme qu'il veut épouser, hein, ou bien une personne qui fait le jihad uniquement dans le but d'avoir un butin. Ça c'est un exemple. Donc il dit que toute cette catégorie là c'est mentionné dans l'interprétation de ce verset, comme par exemple quelqu'un qui apprend dans le but يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله, il apprend dans le but d'enseigner à ses enfants ou dans le but de gagner de l'argent pour eux, pour avoir pour être au-dessus d'eux, des choses comme ça. Ou bien dans le but d'apprendre ou une personne qui apprend le Coran et qui garde constamment, qui respecte les heures de ses prières et qui prie régulièrement à cause de son emploi comme imam dans une mosquée, comme c'est le cas pour plusieurs personnes par exemple. Et la quatrième catégorie que le cheikh mentionne, c'est النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة مثل كثير من هذه الأمة. Donc c'est ça, le cheikh il dit أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له لكنه على عمل يكفره كفرا يخرج من الملة أو عن يخرج عن الإسلام. Ça c'est un bon exemple. Le quatrième exemple, c'est la personne qui fait des bonnes œuvres, qui fait des choses d'obéissance uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il accomplit en même temps, ou il fait en même temps d'autres œuvres qui sont des œuvres de kufr, qui le fait sortir de l'islam. Le cheikh il donne comme exemple des juifs et des chrétiens par exemple, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qui donne en charité et qui jeûne dans le but de plaire à Allah et d'avoir le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Hein? Comme c'est le cas, le cheikh dit ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك يخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم فهذا النوع أيضا قد ذكر أو ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره وكان السلف يخافون منها انتهى ما ذكره رحمه الله. Donc le cheikh il dit que yani, c'est comme il y a beaucoup de gens dans cette umma également qui ont des formes de kufr et de shirk qui les font sortir de l'islam entièrement, et lorsqu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils font des obéissances pures et sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils veulent yani, ils veulent en les faisant avoir la récompense d'Allah et yani, la récompense dans le paradis dans l'au-delà, mais par contre ils commettent d'autres actes qui les font sortir de l'islam, et qui cette chose-là fait en sorte que leurs actions ne sont pas acceptées. Ça empêche que leurs œuvres soient acceptées. Comme les gens de nos jours parmi la Oumma qui vont aux tombes et qui invoquent les morts, ou qui font des actes de shirk, ou qui sacrifient pour autre que Allah, ou qui font des vœux pour autre que Allah, et qui annulent des choses de ce genre. Donc ça, c'est des choses qui annulent leur islam. D'accord? Donc même s'ils font des bonnes œuvres et qu'ils souhaitent le paradis et qu'ils demandent la protection contre l'enfer et toutes ces choses-là, leurs œuvres ne sont pas acceptées parce que à cause des actes de kufr ou de shirk qu'ils font. فهذا النوع أيضا, ça c'est rapporté également dans l'explication de ce verset-là selon Anas ibn Malik et beaucoup d'autres, et les salafs ils avaient très peur de ces choses-là. انتهى ما ذكره, ça c'est la fin de la citation de Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et il dit والآيتان تتناولان هذه الأنواع الأربعة لأن لفظهما عام. Donc les deux versets qu'on a mentionnés, qui sont les deux versets dans sourate Hud, le verset 15 et 16, eh bien, ces deux versets-là impliquent ces quatre catégories-là, parce que leurs mots sont, ou leur vocabulaire, les mots qui sont utilisés sont généraux. D'accord ? فالأمر خطير يجب على المسلم الحذر من أن يطلب بعمل الآخرة طمع الدنيا. Donc, le cheikh dit la chose est très dangereuse. Et ça oblige à un musulman de faire très attention, de chercher des choses de la dunya par les actions qu'il fait, qui sont uniquement pour l'akhirah. Donc, il faut uniquement, quand on fait des œuvres qui ont rapport avec la religion, il faut uniquement les faire dans le but de plaire à Allah, d'avoir son paradis et de demander protection ou de s'éloigner de son enfer, et non pas pour avoir un bien quelconque dans cette dunya. Donc on va arrêter ici, inshallah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.